Après les louanges faites à Dieu subhanahu wa ta'ala, et l'attestation de foi et les prières formulées en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam a recommandé à lui-même et à nous tous la piété et l'obéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala. Il a cité le verset coranique dans lequel Dieu dit que Dieu soit béni par lui-même, il est capable de faire toute chose, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver lequel parmi vous aura effectué les meilleures œuvres. Et c'est lui le Tout-Puissant et l'Absoluteur. Et Dieu a dit dans un autre verset coranique, toute âme goûtera à la mort, ou bien toute personne verra la mort. Et l'imam al-Hakim a rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avoir dit, le plus raisonnable est celui qui s'accuse ou qui fait un jugement contre lui-même et œuvre pour ce qui va suivre la mort, et le paresseux ou l'incapable est celui qui va suivre son âme ou ses désirs et il va formuler des vœux auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il a rappelé aussi que l'imam Omar fils de Khattab a dit, jugez vous-même par vous-même avant que vous soyez jugés et pesez vos œuvres avant qu'elles soient pesées et obéissez-vous pour l'exposition ou pour la grande exposition, c'est-à-dire le jour où on va s'arrêter devant Dieu subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Tirmidhi a rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'au point il a dit, chacun qui meurt regrettera. Et on lui a dit, qu'est-ce qu'il va regretter? Il a répondu, dans le cas où il était bienfaiteur, il va regretter pourquoi il n'a pas fait beaucoup de bonnes œuvres. Et dans le cas où il était malfaiteur, il va regretter pourquoi il n'a pas arrêté de faire le mal. Par la suite, il a donné cette remarque, l'un des piliers de ce centre islamique est parti à Dieu subhanahu wa ta'ala cette semaine. Après avoir servi la mosquée de Dieu, il remplissait la mosquée par ses œuvres, par son sourire, et on doit marquer un arrêt pour faire ses adieux. Il a dit aussi, la mort ne fait pas de différence entre un vieillard ou un jeune, entre un homme ou une femme. Dieu subhanahu wa ta'ala a vaincu ou a maîtrisé l'humanité par la mort. Personne ne peut en échapper. Dieu dit, chaque âme goûtera à la mort. Il a donné un exemple des prisonniers que un grand gouverneur ou un grand roi les a emprisonnés dans un palais ou dans un château qui est rempli par de belles choses, par de bonnes choses, agréables à manger ou à boire ou à porter comme habit, des prisonniers qui mangent bien, qui dorment sur des lits de luxe et qui boivent de bonnes boissons, des prisonniers où par la suite le roi a donné la sentence à mort pour tous ces prisonniers. Et le lendemain, ils ont repéré quelqu'un qui est déjà exécuté. Est-ce qu'ils vont être joyeux après ce jour où ils ont repéré un de leurs frères qui est mort? Est-ce qu'ils vont avoir le repos? Plutôt, il a dit, ils seront envahis par la panique, par la terreur, par la peur, parce qu'ils vont penser à leur tour où ils seront exécutés l'un après l'autre. Le problème, est-ce qu'on n'est pas nous des prisonniers dans cette vie ici-bas? Prisonniers entourés par de belles choses, de repas, de boissons, d'habits. Est-ce que le grand roi ou le roi suprême n'a pas donné la sentence? Toute âme goûtera à la mort. Devons-nous en voir la caravane de ceux qui nous ont précédés, nous les avons portés sur nos épaules, nous les avons mis dans le trou ou dans la tombe avec nos mains, et nous avons pleuré sur eux. Le porteur d'aujourd'hui sera porté à son tour demain. Le pleureur ou celui qui a pleuré aujourd'hui, on va le pleurer demain. Le danger, c'est que la mort est une porte qui nous fait accéder à une chose énorme et dangereuse, le jugement, pas plus un organe, et le passage sur le sérat. Qu'avons-nous fait avant la mort? Est-ce qu'on s'est bien préparé pour subir la mort? Il se peut que notre frère qui est décédé pendant cette semaine a accompli parmi les œuvres que Dieu a bien agréées, et on demande à Dieu de le faire habiter dans le vaste paradis. Le problème, si on se pose la question, ou est-ce que, dans le cas où Dieu nous interroge, est-ce qu'on a pensé à ce que Dieu va nous interroger? Nous tous, chacun de nous connaît ses péchés, connaît ses défauts, mais dans le cas où Dieu nous interroge, qu'allons-nous dire? Quelle sera notre réponse? Regardez ce verset dans lequel Dieu dit « Arrêtez-les, ils seront jugés ». Voici notre livre qui parle en toute vérité de tout ce qu'ils ont fait. Si on s'interroge, si on dit « Qu'est-ce que Dieu va nous demander à propos de l'argent, à propos de notre vie, à propos du temps libre, à propos de nos œuvres ?» Aujourd'hui, on va mettre fin à leur cœur, ou on va mettre une bombe autour de leur bouche, ils ne vont plus parler, et ce sont leurs membres qui vont dire toute la vérité de mon Dieu spirituel. Mes frères et mes sœurs, qu'avons-nous pris comme provision, sachant que Dieu dit, prenez des provisions et les meilleures sont la piété? On n'a aujourd'hui aucun moyen, aucune arme, à part lever nos mains vers le Très-Haut, vers Dieu, pour lui dire, Seigneur, accorde-nous une repentance, et Seigneur, on te demande la solution et la meilleure fin pour nous tous, et qu'on reste sur l'engagement, ou qu'on honore jusqu'à notre fin, jusqu'à notre mort, l'engagement pris entre tes mains.